9. Trois vers plus tard, Finch a commencé à s'assoupir en grommelant des mots indistincts et j'ai jugé qu'il était temps de regagner le manoir. Je me suis hissé sur mon vélo par pur automatisme. Les révélations de l'ex-policier m'avaient sonné. C'était trop d'un coup. Par ailleurs, je ne pouvais m'empêcher de songer que cette démonstration tenait beaucoup de l'esbrouffe. À première vue, les engrenages coulissaient de manière impeccable, mais en y regardant de plus près, sûrement que... Au bout d'une trentaine de tours de pédalier, je me suis aperçu que je n'avais rien de valable à objecter. Ceci expliquait cela. Notamment l'étrange atmosphère qui régnait dans la maison de mon enfance, les crises nerveuses de ma mère et son addiction à l'alcool. Peut-être l'ivresse l'aidait-elle à oublier qu'elle avait signé un pacte avec une tueuse et qu'elle ne disposait d'aucun moyen de le rompre. Quand j'ai franchi la grille de la propriété, Gary était occupé à se coiffer et à peigner sa barbe devant un miroir à trois faces suspendu à la porte de son camping-car. Il avait fait toilette. Des vêtements propres attendaient au soleil sur une chaise de toile. Il avait même ciré ses bottes Tony Lama. De sortie, ai-je lancé histoire de paraître sociable ? Oui, c'est ma nuit de liberté, a-t-il répondu. Je vous laisse les clés. Verrouillez bien les portes des bureaux. Et si vous entendez du bruit, attrapez mon fusil et tirez un coup en l'air. Ça devrait suffire à mettre les pillards en déroute. Les pillards ? Oui, tous ces petits connards de fans. Chaque fois que j'ai le dos tourné, ils essaient de se glisser dans la maison pour piquer quelque chose et le vendre sur eBay. Les vitrines des bibliothèques sont en verre incassable et verrouillé, mais on ne sait jamais. Il suffit que l'un d'eux ait travaillé chez un serrurier. J'ai rangé le vélo et poussé la porte d'entrée. Le kaléidoscope des vitraux m'a fait tourner la tête. Et aussi les deux verres de whisky avalés chez Finch. Bref, je n'étais pas au mieux de ma forme. Des images surgies de mon enfance ne cessaient de virevolter dans mon esprit. Le chalet, l'atelier de peinture, la neige, ma mère demi-nue poursuivie par ses invités ivres-morts. Leurs cris, leurs rires ravinés. Sans les cours de self-défense de mon père, j'aurais été violée à 10 reprises sous les yeux de ma génitrice, trop saoule pour intervenir. Une sale enfance dont je n'avais qu'une hâte, m'enfuir. Trop occupée à me défendre, je n'avais rien soupçonné de ce qui se tramait dans l'ombre. Je ne me rappelais que de la sonnerie du téléphone, nous persécutant plusieurs fois par nuit, me réveillant en sursaut, et de la voix chuchotante de ma mère. Une voix de domestique, d'esclave. Dans l'office, j'ai ouvert le frigo sans réel appétit. Je me suis décidée à prendre 2 bagels au fromage, 1/4 de lait frais et 1 pomme que j'ai emportée dans l'abri anti-atomique où je voulais vérifier l'état des originaux conservés dans le tiroir aux illustrations. Finch avait vu juste. Sur chaque carton, la signature et la date avaient été soigneusement grattées. Il n'en subsistait qu'une fine ligne blanche, à peine visible, et la plupart du temps dissimulée dans une moulure, un pied de chaise, le motif d'une tapisserie aux arabesques vertigineuses. Sawana Warlock avait fait le ménage, effaçant le calendrier de ses 22 crimes. Seule l'illustration de dernière alarme manquait à l'appel, celle grâce à laquelle, et pour la première fois, elle avait pris conscience du danger. La peur et la rage l'avaient probablement poussée à la jeter au feu. J'ai renoncé à réfléchir plus longtemps. C'est seulement dans les romans policiers qu'on parvient à tout expliquer de manière impeccable. Dans la vraie vie, dans les vrais meurtres, il demeure toujours des zones d'ombre, rebelles à la pure logique, des contradictions qui relèvent de la part irrationnelle ancrée en chaque être humain. Consultant ma montre, je me suis étonnée de n'avoir encore aucune nouvelle de Ben Lawson. Où était-il passé? Avait-il profité du voyage à Palm Springs pour retomber dans ses travers, la poudre et les filles? Cela ne m'enchantait guère, car j'allais devoir passer la nuit seule dans la maison. Revenu au rez-de-chaussée, j'ai essayé de le joindre à l'aide du téléphone fixe car mon cellulaire ne passait pas. Je suis tombée sur un message laconique me suggérant de laisser mes coordonnées ou d'aller me faire mettre si cela ne me convenait pas. En regardant par la fenêtre de la cuisine, j'ai constaté que Gary était parti à son rendez-vous, laissant le camping-car allumé en manière de dissuasion. La nuit risquait d'être longue. Dans le hall, j'ai trouvé le fusil à canoncier de l'ancien biker, mais il était chargé au gros sel. Pas de quoi mettre en déroute un tueur psychopathe. Par prudence, j'ai pris la décision de me retrancher dans l'abri, comme la nuit précédente, et cela même si l'aération laissait à désirer. Les chambres du premier étage ne me paraissaient pas assez sûres. Je me suis étendue sur le lit sans me dévêtir. J'étais trop énervée pour trouver rapidement le sommeil. Il n'était même pas certain que je parvienne à fermer les yeux avant l'aube. Les illustrations que je venais de passer en revue menaient une ronde folle sous mes paupières. J'étais attirée à la perspective que chacune décrivait probablement un crime réel. Une exécution gratuite décidée par Sawana pour satisfaire son seul plaisir. Les peintures comportaient des constantes, l'assassin n'était jamais identifiable. Réduit à une silhouette ou hors champ. De temps à autre, on distinguait une main gantée, un bras. Toute la scène nous était présentée à travers son regard en caméra subjective. Un regard acéré qui enregistrait la disposition du moindre objet. Un regard acéré qui, néanmoins, avait échoué à repérer la signature microscopique d'Anne Katz dans la prolifération baroque du décor peint. Sans doute parce qu'il s'était arrêté à la surface des choses, à la surface du crime, et que, tout bonnement, ce n'était pas cela qu'il cherchait. J'ai essayé vainement de faire le vide dans mon crâne car la migraine menaçait. Il y avait déjà plus d'une heure que je me retournais d'un flanc sur l'autre. L'engourdissement commençait à me gagner quand un craquement a retenti au-dessus de ma tête. Ces vieilles baraques fonctionnent comme des amplificateurs naturels et l'on peut parfois repérer le trottinement d'une souris à 10 mètres de distance tant le son se propage au long des fibres du bois. Les parois creuses n'arrangent rien. Je me suis assise en alerte. Les craquements avaient repris, réguliers. Quelqu'un marchait dans le grand salon des bibliothèques. Pour me rassurer, j'ai décidé qu'il s'agissait de Benjamin. Il venait de rentrer, mal dessoulé, et se cognait aux meubles. Oui, ce ne pouvait être que lui. Je redoutais à ce point d'affronter en solitaire la nuit à venir que sa venue me remplissait le cœur de joie. C'est tout dire. J'ai glissé le fusil sous mon bras avant de déverrouiller la porte blindée du bureau. À peine en avais-je franchi le seuil qu'une douleur atroce m'a vrillé l'épaule. Quelqu'un venait de m'enfoncer une aiguille dans la chair. Par pur réflexe, j'ai lancé ma main en arrière afin d'arracher le dard. Ce n'était pas une seringue, plutôt l'une de ces fléchettes utilisées par les vétérinaires pour anesthésier les animaux sauvages. Tandis que je perdais l'équilibre, j'ai prié pour que mon agresseur n'ait pas choisi de m'endormir avec la dose réservée aux pachydermes. Si c'était le cas, j'étais bonne pour ne jamais me réveiller. Ma vue s'est brouillée, le couloir, le sol, tout est devenu flou, comme si l'on m'avait collé du verre dépoli sur les pupilles. J'ai tenté de me redresser, mais je n'avais déjà plus le contrôle de mes membres. Muscles et articulations refusaient d'obéir, tandis qu'un sifflement sourd m'emplissait les oreilles. Quelques secondes avaient suffi pour me transformer en poupée de caoutchouc. J'ai essayé de résister à la panique qui m'envahissait. Assez curieusement, mon cerveau s'engourdissait sans que je perde conscience. Très vite, la peur a reflué, faisant place à une curieuse sérénité chimique. Et je suis devenue spectatrice de moi-même, sans parvenir à m'impliquer dans ce qui m'arrivait. J'étais détachée, absente, vaguement ennuyée d'avoir à regarder un spectacle sans réel intérêt. J'ai carrément cessé de me débattre. Ma perception déformée ne me permettait pas de distinguer mon agresseur. Toutefois, je l'ai entendu approcher. Ses pieds faisaient trembler le sol comme un séisme, et l'odeur du cirage de ses chaussures m'a presque asphyxié. La drogue avait décuplé mes sensations. J'ai supposé qu'il m'avait mise en joue depuis le fond du couloir avec un fusil de vétérinaire à air comprimé ou une arme analogue. Le produit, mal dosé, ne parvenait pas à m'endormir comme il aurait dû. On m'a saisi sous les aisselles et tiré vers l'escalier. J'ai commencé à rebondir sur la raide dure de chaque marche sans éprouver la moindre souffrance. Celui ou celle qui m'avait agressé respirait fort au-dessus de moi. Détaché de mon sort, je pouvais réfléchir à loisir. J'en ai profité pour m'interroger sur l'identité de l'individu. Gary? Ben Lofson? Finch Calder? Ou plus simplement, Sawana? J'en venais à soupçonner tout le monde. Mais au vrai, je m'en fichais. Ces interrogations me paraissaient vaines. Arrivé au rez-de-chaussée, mon ravisseur m'a fait glisser sur le parquet jusqu'à la porte d'entrée. Si j'avais encore eu le contrôle de mes mains, j'aurais pu m'accrocher au pied des meubles. Hélas, ce n'était plus le cas. Si Gary avait été présent, il aurait pu intervenir, à condition bien sûr que ce ne soit pas lui qui, en ce moment même, me traînait dans la caillasse du jardin. Mais Gary était de sortie. Au grincement de la grille, j'ai su que nous quittions la maison. La circulation autour du lac étant nulle, je n'avais aucun secours à attendre d'un automobiliste de passage, surtout à cette heure tardive. Je m'attendais à ce qu'on me charge dans le coffre d'une voiture, mais au lieu de cela, le sol est devenu humide sous mes fesses, et j'ai compris que mon agresseur me allait vers le lac. L'odeur de pourriture des eaux polluées devenant plus forte. L'évidence s'est imposée. On allait me noyer. L'histoire du télépathe russe, embauché pour voler les idées de Sawana, m'est revenue en mémoire. Ne l'avait-on pas découvert, flottant sur le ventre au milieu du plan d'eau? Je n'en ai pourtant conçu aucun affolement. La drogue annihilait toute velléité d'angoisse. Cette mort imminente ne me concernait pas, c'était celle de quelqu'un d'autre, d'une inconnue avec laquelle je n'entretenais aucun lien. Je crois même avoir pensé, pauvre fille, comme si je lisais l'annonce de sa mort dans le LA Weekly. À présent, mes vêtements étaient de plus en plus mouillés. Des carcasses de poissons crevés s'y accrochaient de toutes leurs arêtes. On m'a adossé au flanc d'une barque. Puis mon assassin m'a saisi à bras le corps pour me faire basculer dans l'embarcation. De toute évidence, il comptait me noyer au milieu du lac afin que mon corps s'échoue le plus tard possible sur l'une des berges. Avec un peu de chance, lorsque cela se produirait, les charognards m'auraient rendu méconnaissable. Quant à la chaleur, en accélérant la décomposition gazeuse, elle aurait rendu impossible toute identification légale. Les crissements de la quille sur le sable m'ont vrillé les tympans. On mettait le canot à flot. Le bruit régulier des rames a succédé au raclement. Nous voguions sur le lac salé par une nuit sans lune, nous enfonçant au sein des ténèbres. Une vraie séquence de films d'épouvante. Ma seule chance de survie était de vaincre ce foutu engourdissement avant qu'il ne soit trop tard. Je savais ce qui allait se passer. Étant donné qu'il est difficile de se noyer dans un liquide atteignant un tel taux de salinité, mon assassin allait être contraint de me maintenir la tête sous l'eau. Pour cela, il m'immergerait sur le ventre et appuierait sur ma nuque de toutes ses forces. L'anesthésie m'empêchant de me débattre, l'affaire serait bouclée en 2 minutes. Une fois morte, je ne coulerais pas. Mon corps dériverait gentiment, ou mieux, resterait au même endroit. Dès l'aube, les busards le repéreraient et descendraient s'y poser, l'utilisant comme une nid flottante pour festoyer à leur guise. Il n'était pas du tout certain que cette concentration d'oiseaux éveille l'attention des habitants du coin, car il n'était pas rare qu'une escadrille de charognards s'abatte sur un banc de poissons crevés. Cela faisait partie des attractions habituelles de Salton Sea. Rassemblant ce qui me restait d'énergie, je me suis efforcée de bouger les orteils et les doigts. Il me restait peu de temps avant mon dernier bain, et cette perspective m'a puissamment motivée. Il m'a semblé que j'émergeais peu à peu de l'indifférence au sein de laquelle l'anesthésique m'avait plongée. J'avais entendu dire, sans jamais en avoir confirmation, qu'on injectait des euphorisants aux grands fauves pour éteindre en eux toute agressivité lorsqu'on devait les opérer. Peut-être avais-je été soumise au même traitement. Quoi qu'il en soit, la durabilité de la dose, selon le terme en usage dans le milieu médical, avait été mal ajustée. Les picotements qui me titillaient le bout des doigts le confirmaient. Je savais néanmoins que mes chances d'échapper à mon assassin seraient réduites. Je n'étais pas au top de mes facultés physiques, et les seuls atouts dont je disposerais au moment où l'on me flanquerait par-dessus bord seraient l'obscurité, la portance et la viscosité de l'eau. En me débattant si j'y parvenais, je pourrais échapper à la poigne de mon tortionnaire. Dans les minutes qui suivraient, l'eau salée me soutiendrait jusqu'au rivage, compensant ma nage défaillante. L'obscurité, elle, empêcherait mon poursuivant de me repérer. Tout cela restait théorique, mais je me concentrais sur cette checklist avec ce qui me restait d'intelligence, dans l'espoir de faire refluer la paralysie de mes neurones. Ce n'était pas la première fois que je me retrouvais dans une sale situation, mais d'ordinaire j'affrontais le problème en jouissant pleinement de mes facultés physiques et mentales, ce qui était loin d'être le cas aujourd'hui. Je me faisais l'effet d'une poupée gonflable qui se demande désespérément où se situe la fuite par laquelle l'air qui lui permet de tenir debout est en train de s'échapper. À la différence des assassins de romans policiers qui se croient forcés d'expliquer leurs motivations et leurs astuces avant d'en finir avec leur future victime, mon agresseur demeurait silencieux. Ma vue brouillée ne me permettait pas de l'identifier. J'étais comme affligée d'une myopie temporaire qui me faisait voir le monde à travers un épais brouillard. L'impossibilité d'accommoder est également un effet secondaire de certains psychotropes. Dans ce cas, on voit double ou triple, comme si l'on avait plusieurs grammes d'alcool dans le sang. Soudain, la barque s'est immobilisée et mon agresseur a rentré les rames. Le canot s'est mis à tanguer au rythme de ses déplacements. J'avais récupéré une partie de ma sensibilité et j'ai eu mal aux côtes quand il m'a fait passer par-dessus le bastingage pour me flanquer à la baille. Comme je m'y attendais, il s'est empressé de me faire rouler sur le ventre pour me tenir plus facilement le visage immergé. La flotte était horriblement visqueuse, une saumure saturée de produits chimiques de toutes sortes. J'ai fermé bouche et paupières pour éviter de subir la brûlure de cette soupe infâme. Le taux de tumeur dans la région était, paraît-il, 5 fois supérieur à celui observé dans le reste des États-Unis. La main de mon futur meurtrier a pesé sur mon occiput. Rassemblant toute l'énergie dont j'étais capable, j'ai rué, cognant des 2 pieds dans la coque du canot. La portance de l'eau a fait le reste et j'ai glissé à sa surface comme un bloc de sindoux sur un toboggan huilé. Déséquilibré, le tueur a basculé par-dessus bord et gâché 3 précieuses minutes à s'extraire de la saumure pour regagner le bateau. Pendant ce temps, pataugeant telle une grenouille ivre, je nageais vers les lumières de la berge en priant pour ne pas me tromper de direction. Je ne mentirai pas, le lac pollué m'a sauvé la vie. Sans le sel qui m'a permis de flotter comme un bouchon de liège, j'aurais coulé à pic. C'était probablement la première fois qu'une pollution extrême contribuait au sauvetage d'un individu, et cela mérite d'être signalé. Ayant du mal à m'oxygéner, j'ai bu quelques gorgées de ce poison. Mes forces m'abandonnaient. Je le répète, si la portance du lac n'avait pas été équivalente à celle de la mer morte, je me serais laissé couler. Enfin, mes genoux ont touché une surface dure, j'avais atteint la rive. À 4 pattes, j'ai escaladé la pente menant à la plage. Là, me redressant, j'ai marché droit devant moi aussi vite que possible. L'éclairage public étant en panne, on n'y voyait pas grand-chose. Je me suis donc guidé sur les lumières éparses que j'entreapercevais dans le lointain. La plupart émanaient des caravanes parquées ici et là, ou à de rares habitations encore occupées à cette époque de l'année. Je suffoquais. Il me fallait à toute force trouver une cachette avant de tomber en syncope, car mon agresseur n'allait pas tarder à aborder pour se lancer à ma poursuite. Mon seul espoir était qu'il n'ait pas pu repérer la direction que j'avais prise. La nuit était désormais ma seule alliée, car j'étais trop faible pour crier à l'aide ou tenter de me réfugier chez Finchcolder. D'ailleurs, comment pouvais-je être certaine que Finch n'était pas, en ce moment même, en train de galoper sur mes talons? Je me suis dirigée vers les baraques en ruine qui prenaient l'eau au ras du rivage. Je n'avais plus le choix. Si je m'obstinais à marcher encore 5 minutes, j'allais m'évanouir au milieu de la rue. Sans savoir ce que je faisais, j'ai rampé par une ouverture qui béait au flanc d'un bungalow pourrissant. L'intérieur empestait la poissonnerie mal tenue. En tâtonnant, j'ai cramponné une rampe d'escalier et me suis hissé tant bien que mal à l'étage. À peine y étais-je parvenu que toutes les marches se sont effondrées derrière moi. C'est probablement ce qui a empêché mon poursuivant de me retrouver. Il était désormais impossible de grimper au second. Dans un réflexe puéril de défense, j'ai assujetti une planche dans ma main droite, puis je me suis recroquevillé dans un angle de la pièce. J'ai dû perdre connaissance 30 secondes plus tard. J'ai repris conscience alors que l'aube se levait. Me sentant affreusement mal, j'ai vomi de la bile allongée douloureux, tandis que des crampes me nouaient les intestins. Sans doute s'agissait-il des effets secondaires de l'anesthésique. Je risquais même de me taper une sévère crise de foie. J'ai roulé sur le dos, vidé. Pour un peu, je me serais laissé mourir là, dans cette casemate infâme. Puis un busard est venu se percher sur le rebord de la fenêtre, me couvant d'un œil gourmand, et cela m'a forcé à réagir. Le sel en séchant avait changé mes vêtements en une carapace de carton qui me cisaillait la peau et m'occasionnait d'horribles brûlures au moindre mouvement. Sortir de la cabane en me laissant glisser le long de la façade depuis le premier étage a été une torture. Le ciel commençait à s'éclaircir. Clopinant, les dents serrées, je me suis immobilisée sur le seuil, me demandant comment j'allais rentrer au manoir. Les relents de l'anesthésique m'embrumaient la cervelle. J'avais la gorge et les lèvres desséchées, les paupières encroûtées, les yeux enflammés par les produits chimiques, et c'est à peine si j'y voyais à 5 mètres. Puis une illumination m'a foudroyée. Le camping. Le camp était de l'autre côté de la route. Si je parvenais à me traîner jusque-là, je pourrais demander de l'aide au fils de la hyène, les supplier de me conduire aux douches et de me prêter des vêtements, sinon propres, du moins secs.